EDF, bonjour. Bonjour. Je souhaiterais un renseignement sur une facture. Oui, vous pouvez me donner votre numéro? Vous voulez quel numéro? Votre numéro de client. Ou sinon, votre nom et prénom.